Chapitre 2. Une ville noire. La route est longue de Montargis à Vars, qui se trouve au milieu des Cévennes, sur le versant de la montagne, inclinée vers la Méditerranée. 500 ou 600 kilomètres en ligne droite. Plus de 1000 pour nous, à cause des détours qui nous étaient imposés par notre genre de vie. Il fallait bien chercher des villes et des grosses bourgades pour donner des représentations fructueuses. Nous mîmes près de 3 mois à faire ces 1000 kilomètres. Mais quand nous arrivâmes aux environs de Vars, j'eus la joie, comptant mon argent, de constater que nous avions bien employé notre temps. Dans ma bourse en cuir, j'avais 128 francs d'économie. Il ne me manquait plus que 22 francs pour acheter la vache de Mère Barberin. Mathias était presque aussi content que moi, et il n'était pas médiocrement fier d'avoir contribué pour sa part à gagner une pareille somme. Il est vrai que cette part était considérable, et que sans lui, surtout sans son cornet à piston, nous n'aurions jamais amassé 128 francs, Capi et moi. De Vars à Chavanon, nous gagnerions bien certainement les 22 francs qui nous manquaient. Vars, nous arrivions, était, il y a une centaine d'années, un pauvre village perdu dans les montagnes et connu seulement par cela qu'il avait souvent servi de refuge aux enfants de Dieu, commandés par Jean Cavalier. Sa situation au milieu des montagnes en avait fait un point important dans la guerre des Camisards. Mais cette situation même avait, par contre, fait sa pauvreté. Vers 1750, un vieux gentilhomme qui avait la passion des fouilles découvrit à Vars des mines de charbon de terre. Et depuis ce temps, Vars est devenu un des bassins houillers qui, avec Alais, Saint-Gervais, Bessèges, approvisionnent le Midi et tendent à disputer le marché de la Méditerranée aux charbons anglais. Lorsqu'il avait commencé ses recherches, tout le monde s'était moqué de lui, et lorsqu'il était parvenu à une profondeur de 150 mètres sans avoir rien trouvé, on avait fait des démarches actives pour qu'il fût enfermé comme fou, sa fortune devant s'engloutir dans ses fouilles insensées. Vars renfermait dans son territoire des mines de fer. On n'y trouvait pas, on n'y trouverait jamais du charbon de terre. Sans répondre, et pour mieux se soustraire aux criailleries, le vieux gentilhomme s'était établi dans son puits, et n'en était plus sorti. Il y mangeait, il y couchait, et il n'avait à subir ainsi que les doutes des ouvriers qu'il employait avec lui. À chaque coup de pioche, ceux-ci haussaient les épaules, mais excités par la foi de leur maître, ils donnaient un nouveau coup de pioche, et le puits descendait. À 200 mètres, on trouva une couche de houille. Le vieux gentilhomme ne fut plus un fou, ce fut un homme de génie. Du jour au lendemain, la métamorphose fut complète. Aujourd'hui, Vars est une ville de 12 000 habitants qui a devant elle un grand avenir industriel et qui, pour le moment, est avec Alais et Bessèges l'espérance du Midi. Ce qui fait et ce qui fera la fortune de Vars est ce qui se trouve sous la terre et non ce qui est au-dessus. À la surface, en effet, l'aspect est triste et désolé. Des causes, des garrigues, c'est-à-dire la stérilité. Pas d'arbres, si ce n'est ça et là, des châtaigniers, des mûriers et quelques oliviers chétifs. Pas de terre végétale, mais partout des pierres grises ou blanches. Là seulement où la terre, ayant un peu de profondeur, se laisse pénétrer par l'humidité, surgit une végétation active qui tranche agréablement avec la désolation des montagnes. De cette dénudation résultent de terribles inondations, car lorsqu'il pleut, l'eau court sur les pentes dépouillées comme elle courrait sur une rue pavée, et les ruisseaux, ordinairement à sec, roulent alors des torrents qui gonflent instantanément les rivières des vallons et les font déborder. En quelques minutes, on voit le niveau de l'eau monter dans le lit des rivières de 3, 4, 5 mètres et même plus. Vars est bâtie à cheval sur une de ces rivières nommée la Divonne, qui reçoit elle-même, dans l'intérieur de la ville, deux petits torrents. Le ravin de la Truyère et celui de Saint-Andéol. Ce n'est point une belle ville, ni propre, ni régulière. Les wagons, chargés de minerais de fer ou de houille, qui circulent du matin au soir sur des rails au milieu des rues, sèment continuellement une poussière rouge et noire qui, par les jours de pluie, forme une boue liquide et profonde comme la fange d'un marais. Par les jours de soleil et de vent, ce sont au contraire des tourbillons aveuglants qui roulent dans la rue et s'élèvent au-dessus de la ville. Du haut en bas, les maisons sont noires, noires par la boue et la poussière qui de la rue montent jusqu'à leur toit, noires par la fumée des fours et des fourneaux qui de leur toit descend jusqu'à la rue. Tout est noir, le sol, le ciel et jusqu'aux eaux que roule la Divonne. Et cependant, les gens qui circulent dans les rues sont encore plus noirs que ceux qui les entourent. Les chevaux noirs, les voitures noires, les feuilles des arbres noirs. C'est à croire qu'un nuage de suie s'est abattu pendant une journée sur la ville ou qu'une inondation de bitume l'a recouverte jusqu'au sommet des toits. Les rues n'ont point été faites pour les voitures ni pour les passants, mais pour les chemins de fer et les wagons des mines. Partout sur le sol, des rails et des plaques tournantes. Au-dessus de la tête, des ponts volants, des courroies, des arbres de transmission qui tournent avec des ronflements assourdissants. Les vastes bâtiments près desquels on passe tremblent jusque dans leurs fondations. Et si l'on regarde par les portes ou les fenêtres, on voit des masses de fonte en fusion qui circulent comme d'immenses bolides, des marteaux-pilons qui lancent autour d'eux des pluies d'étincelles, et partout, toujours, des pistons de machines à vapeur qui s'élèvent et s'abaissent régulièrement. Pas de monuments, pas de jardins, pas de statues sur les places. Tout se ressemble et a été bâti sur le même modèle, le cube. Les églises, le tribunal, les écoles, des cubes percés de plus ou moins de fenêtres, selon les besoins. Quand nous arrivâmes aux environs de Vars, il était 2 ou 3 heures de l'après-midi, et un soleil radieux brillait dans un ciel pur. Mais à mesure que nous avancions, le jour s'obscurcit. Entre le ciel et la terre, s'était interposé un épais nuage de fumée qui se traînait lourdement en se déchirant aux hautes cheminées. Depuis plus d'une heure, nous entendions de puissants ronflements, un mugissement semblable à celui de la mer avec des coups sourds. Les ronflements étaient produits par les ventilateurs, les coups sourds par les martinets et les pilons. Je savais que l'oncle d'Alexis était ouvrier mineur à Vars, qu'il travaillait à la mine de la Truyère, mais c'était tout. Demeurait-il à Vars même ou aux environs? Je l'ignorais. En entrant dans Vars, je demandai où se trouvait la mine de la Truyère, et l'on m'envoya sur la rive gauche de la Divonne, dans un petit vallon traversé par le ravin qui a donné son nom à la mine. Si l'aspect de la ville est peu séduisant, l'aspect de ce vallon est tout à fait lugubre. Un cirque de collines dénudées, sans arbres, sans herbes, avec de longues traînées de pierres grises que coupent seulement çà et là quelques rayons de terre rouge. À l'entrée de ce vallon, les bâtiments servant à l'exploitation de la mine, des hangars, des écuries, des magasins, des bureaux et les cheminées de la machine à vapeur. Puis, tout autour, des amas de charbon et de pierre. Comme nous approchions des bâtiments, une jeune femme à l'air égaré, aux cheveux flottant sur les épaules et traînant par la main un petit enfant, vint au-devant de nous et m'arrêta. « Voulez-vous m'indiquer un chemin frais ? » dit-elle. Je la regardai stupéfait. Un chemin avec des arbres, de l'ombrage, et puis à côté un petit ruisseau qui fasse clac, clac, clac sur les cailloux et dans le feuillage des oiseaux qui chantent. Elle se mit à siffler un air gai. « Vous n'avez pas rencontré ce chemin ? » continua-t-elle, en voyant que je ne répondais pas, mais sans paraître remarquer mon étonnement. « C'est dommage, alors c'est qu'il est loin encore. Est-ce à droite ? Est-ce à gauche ? Dites-moi cela, mon garçon. Je cherche et ne trouve pas. » Elle parlait avec une volubilité extraordinaire, en gesticulant d'une main, tandis que de l'autre elle flattait doucement la tête de son enfant. « Je te demande ce chemin parce que je suis sûre d'y rencontrer Marius. Tu as connu Marius ? Non ? Eh bien, c'est le père de mon enfant. Alors quand il a été brûlé dans la mine par le grisou, il s'est retiré dans ce chemin frais. Il ne se promène plus maintenant que dans des chemins frais. C'est bon pour ses brûlures. Lui, il sait trouver ses chemins. Moi, je ne sais pas. Voilà pourquoi je ne l'ai pas rencontré depuis 6 mois. 6 mois, c'est long quand on s'aime. 6 mois, 6 mois. » Elle se retourna vers les bâtiments de la mine et, montrant avec une énergie sauvage les cheminées de la machine qui vomissait des torrents de fumée. « Travaille sous terre !» s'écria-t-elle. « Travaille du diable !»« Enfer, rends-moi mon père, mon frère Jean, rends-moi Marius. Malédiction, malédiction !» Puis, revenant à moi, « Tu n'es pas du pays, n'est-ce pas ? Ta peau de mouton, ton chapeau, disent que tu viens de loin. Va dans le cimetière. Compte une, deux, trois. Une, deux, trois. Tous morts dans la mine. » Alors, saisissant son enfant et le pressant dans ses bras, « Tu n'auras pas mon petit Pierre, jamais. L'eau est douce, l'eau est fraîche. Où est le chemin ? Puisque tu ne sais pas, tu es donc aussi bête que les autres qui me rient au nez. Alors pourquoi me retiens-tu ? Marius m'attend. » Elle me tourna le dos et se mit à marcher à grands pas en sifflant son air gai. Je compris que c'était une folle qui avait perdu son mari tué par une explosion de feu grisou, ce terrible danger. Et à l'entrée de cette mine, dans ce paysage désolé, sous ce ciel noir, la rencontre de cette pauvre femme, folle de douleur, nous rendit tout tristes. On nous indiqua l'adresse de l'oncle Gaspard. Il demeurait à une petite distance de la mine, dans une rue tortueuse et escarpée qui descendait de la colline à la rivière. Quand je le demandai, une femme qui était adossée à la porte, causant avec une de ses voisines adossée à une autre porte, me répondit qu'il ne rentrerait qu'à 6 heures, après le travail. « Qu'est-ce que vous lui voulez ? » dit-elle. « Je veux voir Alexis. » Alors elle me regarda de la tête aux pieds, et elle regarda Capi. « Vous êtes Rémi ? » dit-elle. « Alexis nous a parlé de vous, il vous attendait. Quel est celui-ci ? » Elle montra Mathia. « C'est mon camarade. » C'était la tante d'Alexis. Je crus qu'elle allait nous engager à entrer et à nous reposer, car nos jambes poudreuses et nos figures hâlées par le soleil criaient haut notre fatigue. Mais elle n'en fit rien et me répéta simplement que si je voulais revenir à 6 heures, je trouverais Alexis qui était à la mine. Je n'avais pas le cœur à demander ce qu'on ne m'offrait pas. Je la remerciai de sa réponse et nous allâmes par la ville à la recherche d'un boulanger, car nous avions grand faim, n'ayant pas mangé depuis le petit matin, et encore une simple croûte qui nous était restée sur notre dîner de la veille. J'étais honteux aussi de cette réception, car je sentais que Mathia se demandait ce qu'elle signifiait. À quoi bon faire tant de lieux ? Il me sembla que Mathia allait avoir une mauvaise idée de mes amis, et que quand je lui parlerais de Lise, il ne m'écouterait plus avec la même sympathie. Et je tenais beaucoup à ce qu'il eût d'avance de la sympathie et de l'amitié pour Lise. La façon dont nous avions été accueillis ne m'engageait pas à revenir à la maison. Nous allâmes, un peu avant 6 heures, attendre Alexis à la sortie de la mine. L'exploitation des mines de la Truyère se fait par 3 puits qu'on nomme puits Saint-Julien, puits Saint-Alphonsine et puits Saint-Pancras, car c'est un usage dans les houillères de donner, assez généralement, un nom de saint au puits d'extraction, d'aérage ou d'exor, c'est-à-dire d'épuisement. Ce saint, étant choisi sur le calendrier le jour où l'on commence le fonçage, sert non seulement à baptiser les puits, mais encore à rappeler les dates. Ces 3 puits ne servent point à la descente et au remontage des ouvriers dans les travaux. Cette descente et ce remontage se font par une galerie qui débouche à côté de la lampisterie et qui aboutit au premier niveau de l'exploitation, d'où il communique avec toutes les parties de la mine. Par là, on a voulu parer aux accidents qui arrivent trop souvent dans les puits, lorsqu'un câble casse ou qu'une tonne accroche un obstacle et précipite les hommes dans un trou d'une profondeur de 200 ou 300 mètres. En même temps, on a cherché aussi à éviter les brusques transitions auxquelles sont exposés les ouvriers qui, d'une profondeur de 200 mètres, où la température est égale et chaude, passent brusquement, lorsqu'ils sont remontés par la machine, à une température inégale et gagnent ainsi des pleurésies et des fluxions de poitrine. Prévenu que c'était par cette galerie que devaient sortir les ouvriers, je me postai avec Mathia et Capi devant son ouverture, et quelques minutes après que 6 heures eurent sonné, je commençai à apercevoir vaciller, dans les profondeurs sombres de la galerie, des petits points lumineux qui grandirent rapidement. C'étaient les mineurs qui, la lampe à la main, remontaient au jour leur travail fini. Ils s'avançaient lentement, avec une démarche pesante, comme s'il souffrait dans les genoux, ce que je m'expliquai plus tard lorsque j'eus moi-même parcouru les escaliers et les échelles qui conduisent au dernier niveau. Leurs figures étaient noires comme celles des ramoneurs. Leurs habits et leurs chapeaux étaient couverts de poussière de charbon et de plaques de boue mouillées. En passant devant la lampisterie, chacun entrait et accrochait sa lampe à un clou. Bien qu'attentif, je ne vis point Alexis sortir, et s'il ne m'avait pas sauté au cou, je l'aurais laissé passer sans le reconnaître, tant il ressemblait peu maintenant, noir des pieds à la tête, aux camarades qui autrefois couraient dans les sentiers de notre jardin, sa chemise propre retroussée jusqu'au coude et son col entr'ouvert laissant voir sa peau blanche. « C'est Rémi, » dit-il en se tournant vers un homme d'une quarantaine d'années qui marchait près de lui et qui avait une bonne figure franche comme celle du père Aquin, ce qui n'avait rien d'étonnant puisqu'ils étaient frères. Je compris que c'était l'oncle Gaspard. « Nous t'attendions depuis longtemps déjà, » me dit-il avec bonhomie. « Le chemin est long de Paris à Vars, et tes jambes sont courtes, » dit-il en riant. Capi, heureux de retrouver Alexis, lui témoignait sa joie en tirant sur la manche de sa veste à pleines dents. Pendant ce temps, j'expliquai à l'oncle Gaspard que Mathia était mon camarade et mon associé, un bon garçon que j'avais connu autrefois, que j'avais retrouvé et qui jouait du cornet à piston comme personne. « Et voilà, monsieur Capi, » dit l'oncle Gaspard. « C'est demain dimanche. Quand vous serez reposé, vous nous donnerez une représentation. Alexis dit que c'est un chien plus savant qu'un maître d'école ou qu'un comédien. » Autant je m'étais senti gêné devant la tante Gaspard, autant je me trouvais à mon aise avec l'oncle. Décidément, c'était bien le digne frère du père. « Causez ensemble, garçon. Vous devez en avoir long à vous dire. » « Pour moi, je vais causer avec ce jeune homme qui joue si bien du cornet à piston. » Alexis voulait savoir comment s'était fait mon voyage. Et moi, de mon côté, j'étais pressé d'apprendre comment il s'habituait à sa nouvelle vie. Si bien qu'occupés tous les deux à nous interroger, nous ne pensions pas à nous répondre. Nous marchions doucement et les ouvriers qui regagnaient leur maison nous dépassaient. Ils allaient en une longue file qui tenait la rue entière, tout noir de cette même poussière qui recouvrait le sol d'une couche épaisse. Lorsque nous fûmes près d'arriver, l'oncle Gaspard se rapprocha de nous. « Garçon, dit-il, vous allez souper avec nous. » Jamais invitation ne me fit plus grand plaisir, car tout en marchant, je me demandais si arrivé à la porte, il ne faudrait pas nous séparer, l'accueil de la tante ne m'ayant pas donné bonne espérance. « Voilà Rémi, dit-il en entrant dans la maison, et son ami. Je les ai vus tantôt. Eh bien, tant mieux, la connaissance est faite. Ils vont souper avec nous. » J'étais certes bien heureux de souper avec Alexis, c'est-à-dire de passer la soirée auprès de lui. Mais pour être sincère, je dois dire que j'étais heureux aussi de souper. Depuis notre départ de Paris, nous avions mangé à l'aventure, une croûte ici, une miche là, mais rarement un vrai repas, assis sur une chaise avec de la soupe dans une assiette. Avec ce que nous gagnions, nous étions, il est vrai, assez riches pour nous payer des festins dans de bonnes auberges. Mais il fallait bien faire des économies pour la vache du prince. Et Mathia était si bon garçon qu'il était presque aussi heureux que moi à la pensée d'acheter notre vache. Ce bonheur d'un festin ne nous fut pas donné ce soir-là. Je m'assis devant une table, sur une chaise, mais on ne nous servit pas de soupe. Les compagnies de mine ont, pour le plus grand nombre, établit des magasins d'approvisionnement dans lesquels leurs ouvriers trouvent à prix de revient tout ce qui leur est nécessaire pour les besoins de la vie. Les avantages de ces magasins sautent aux yeux. L'ouvrier y trouve des produits de bonne qualité et à bas prix qu'on lui fait payer en retenant le montant de sa dépense sur sa paye de quinzaine. Et par ces moyens, il est préservé des crédits des petits marchands de détail qui le mineraient. Il ne fait pas de dette. Seulement, comme toutes les bonnes choses, celle-là a son mauvais côté. À Vars, les femmes des ouvriers n'ont pas l'habitude de travailler pendant que leurs maris sont descendus dans la mine. Elles font leur ménage, elles vont les unes chez les autres, boire le café ou le chocolat qu'on a pris au magasin d'approvisionnement. Elles causent, elles bavardent, et quand le soir arrive, c'est-à-dire le moment où l'homme sort de la mine pour rentrer souper, elles n'ont point eu le temps de préparer ce souper. Alors elles courent au magasin et en rapportent de la charcuterie. Cela n'est pas général, bien entendu, mais cela se produit fréquemment. Et ce fut pour cette raison que nous n'eûmes pas de soupe. La tante Gaspard avait bavardé. Du reste, c'était chez elle une habitude, et j'ai vu plus tard que son compte au magasin se composait surtout de deux produits. D'une part, café et chocolat, d'autre part, charcuterie. L'oncle était un homme facile, qui aimait surtout la tranquillité. Il mangeait sa charcuterie et ne se plaignait pas. Ou bien, s'il faisait une observation, c'était tout doucement. « Si je ne deviens pas biberon, disait-il en tendant son verre, c'est que j'ai de la vertu. Tâche donc de nous faire une soupe pour demain. » « Et le temps ? Il est donc plus court sur la terre que dessous ? Et qui est-ce qui vous raccommodera ? Vous dévastez tout. » Alors, regardant ses vêtements souillés de charbon et déchirés çà et là, « Le fait est que nous sommes mis comme des princes. » Notre souper ne dura pas longtemps. « Garçon, me dit l'oncle Gaspard, tu coucheras avec Alexis. » Puis, s'adressant à Mathia, « Et toi, si tu veux venir dans le fournil, nous allons voir à te faire un bon lit de paille et de foin. » La soirée et une bonne partie de la nuit ne furent point employées par Alexis et par moi à dormir. L'oncle Gaspard était piqueur, c'est-à-dire qu'au moyen d'un pic, il abattait le charbon dans la mine. Alexis était son rouleur, c'est-à-dire qu'il poussait, qu'il roulait sur des rails dans l'intérieur de la mine, depuis le point d'extraction jusqu'à un puits, un wagon nommé ébène, dans lequel on entassait le charbon abattu. Arrivé à ce puits, la benne était accrochée à un câble qui, tiré par la machine, la montait jusqu'en haut. Bien qu'il ne fût que depuis peu de temps mineur, Alexis avait déjà cependant l'amour et la vanité de sa mine. C'était la plus belle, la plus curieuse du pays. Il mettait dans son récit l'importance d'un voyageur qui arrive d'une contrée inconnue et qui trouve des oreilles attentives pour l'écouter. D'abord, on suivait une galerie creusée dans le roc, et après avoir marché pendant 10 minutes, on trouvait un escalier droit et rapide. Puis, au bas de cet escalier, une échelle en bois, puis un autre escalier, puis une autre échelle. Et alors, on arrivait au premier niveau, à une profondeur de 50 mètres. Pour atteindre le second niveau, à 90 mètres, et le troisième, à 200 mètres, c'était le même système d'échelles et d'escaliers. C'était à ce troisième niveau qu'Alexis travaillait, et pour atteindre à la profondeur de son chantier, il avait à faire 3 fois plus de chemin que n'en font ceux qui montent autour de Notre-Dame de Paris. Mais si la montée et la descente sont faciles dans les tours de Notre-Dame, où l'escalier est régulier et éclairé, il n'en était pas de même dans la mine, où les marches, creusées suivant les accidents du roc, sont tantôt hautes, tantôt basses, tantôt larges, tantôt étroites. Point d'autre lumière que celle de la lampe qu'on porte à la main, et sur le sol, une boue glissante que mouille sans cesse l'eau qui filtre goutte à goutte et parfois vous tombe froide sur le visage. 200 mètres à descendre, c'est long, mais ce n'était pas tout. Il fallait, par les galeries, gagner les différents paliers et se rendre au lieu du travail. Or, le développement complet des galeries de la Truyère était de 35 à 40 kilomètres. Naturellement, on ne devait pas parcourir ces 40 kilomètres, mais quelquefois cependant la course était fatigante, car on marchait dans l'eau, qui filtrant par les fentes du roc, se réunit en ruisseaux au milieu du chemin et coule ainsi jusqu'à des puisards où des machines d'épuisement la prennent pour la verser au dehors. Quand ces galeries traversaient des roches solides, elles étaient tout simplement des souterrains, mais quand elles traversaient des terrains ébouleux ou mouvants, elles étaient boisées au plafond et des deux côtés, avec des troncs de sapin travaillés à la hache, parce que les entailles faites à la scie amènent une prompte pourriture. Bien que ces troncs d'arbres fussent disposés de manière à résister aux poussées du terrain, souvent cette poussée était tellement forte que les bois se courbaient et que les galeries se rétrécissaient ou s'affaissaient, au point qu'on ne pouvait plus y passer qu'en rampant. Sur ces bois croissaient des champignons et des flocons légers et cotonneux dont la blancheur de neige tranchait avec le noir du terrain. La fermentation des arbres dégageait une odeur d'essence, et sur les champignons, sur les plantes inconnues, sur la mousse blanche, on voyait des mouches, des araignées, des papillons, qui ne ressemblent pas aux individus de même espèce qu'on rencontre à l'air. Il y avait aussi des rats qui couraient partout, et des chauves-souris, cramponnés au boisage par leurs pieds, la tête en bas. Ces galeries se croisaient, et ça et là, comme à Paris, il y avait des places et des carrefours. Il y en avait de belles et de larges comme les boulevards, d'étroites et de basses comme les rues du quartier Saint-Marcel. Seulement, toute cette ville souterraine était beaucoup moins bien éclairée que les villes durant la nuit, car il n'y avait point de lanternes ou de becs de gaz, mais simplement les lampes que les mineurs portent avec eux. Si la lumière manquait, souvent, le bruit disait toujours qu'on n'était pas dans le pays des morts, et dans les chantiers d'abattage, on entendait les détonations de la poudre dont le courant d'air vous apportait l'odeur et la fumée. Dans les galeries, on entendait le roulement des wagons. Dans les puits, le frottement des cages d'extraction contre les guides, et par-dessus tout, le grondement de la machine à vapeur installée au second niveau. Mais où le spectacle était tout à fait curieux, c'était dans les remontées, c'est-à-dire dans les galeries tracées dans la pente du filon. C'était là qu'il fallait voir les piqueurs travailler à moitié nus à abattre le charbon, couchés sur le flanc ou accroupis sur les genoux. De ces remontées, la houille descendait dans les niveaux d'où on la roulait jusqu'au puits d'extraction. C'était là l'aspect de la mine aux jours de travail, mais il y avait aussi les jours d'accident. 2 semaines après son arrivée à Vars, Alexis avait été témoin d'un de ces accidents et en avait failli être victime. Une explosion de grisou. Le grisou est un gaz qui se forme naturellement dans les houillères et qui éclate aussitôt qu'il est en contact avec une flamme. Rien n'est plus terrible que cette explosion qui brûle et renverse tout sur son passage. On ne peut lui comparer que l'explosion d'une poudrière pleine de poudre. Aussitôt que la flamme d'une lampe ou d'une allumette est en contact avec le gaz, l'inflammation éclate instantanément dans toutes les galeries. Elle détruit tout dans la mine, même dans les puits d'extraction ou d'aérage dont elle enlève les toitures. La température est quelquefois portée si haut que le charbon dans la mine se transforme en coke. Une explosion de grisou avait ainsi tué, 6 semaines auparavant, une dizaine d'ouvriers. Et la veuve de l'un de ces ouvriers était devenue folle. Je compris que c'était celle qu'en arrivant j'avais rencontrée avec son enfant, cherchant un chemin frais. Contre ces explosions, on employait toutes les précautions. Il était défendu de fumer, et souvent les ingénieurs, en faisant leur ronde, forçaient les ouvriers à leur souffler dans le nez pour voir ceux qui avaient manqué à la défense. C'était aussi pour prévenir ces terribles accidents qu'on employait des lampes Davy, du nom d'un grand savant anglais qui les a inventées. Ces lampes étaient entourées d'une toile métallique, d'un tissu assez fin pour ne pas laisser passer la flamme à travers ses mailles, de sorte que la lampe, portée dans une atmosphère explosive, le gaz brûle à l'intérieur de la lampe, mais l'explosion ne se propage point au dehors. Tout ce qu'Alexis me raconta surexcita vivement ma curiosité, qui était déjà grande en arrivant à Vars, de descendre dans la mine. Mais quand j'en parlai le lendemain à l'oncle Gaspard, il me répondit que c'était impossible, parce qu'on ne laissait pénétrer dans la mine que ceux qui y travaillent. « Si tu veux te faire mineur, ajouta-t-il en riant, c'est facile, et alors tu pourras te satisfaire. Au reste, le métier n'est pas plus mauvais qu'un autre, et si tu as peur de la pluie et du tonnerre, c'est celui qui te convient. » En tout cas, il vaut mieux que celui de chanteur de chansons sur les grands chemins. Tu resteras avec Alexis. Est-ce dit, garçon? On trouvera aussi à employer Mathia, mais pas à jouer du cornet à piston, par exemple. Ce n'était pas pour rester à Vars que j'y étais venu, et je m'étais imposé une autre tâche, un autre but, que de pousser toute la journée une benne dans le 2e ou le 3e niveau de la truyère. Il fallait donc renoncer à satisfaire ma curiosité. Et je croyais que je partirais sans en savoir plus long que ne m'en avaient appris les récits d'Alexis ou les réponses arrachées tant bien que mal à l'oncle Gaspard, quand, par suite de circonstances dues au hasard, je fus à même d'apprendre dans toutes leurs horreurs, de sentir dans toutes leurs épouvantes, les dangers auxquels sont exposés les mineurs. Chapitre 3. Rouleur. Le métier de mineur n'est point insalubre. Et à part quelques maladies causées par la privation de l'air et de la lumière qui à la longue appauvrit le sang, le mineur est aussi bien portant que le paysan qui habite un pays sain. Encore a-t-il sur celui-ci l'avantage d'être à l'abri des intempéries des saisons, de la pluie, du froid ou de l'excès de chaleur. Pour lui, le grand danger se trouve dans les éboulements, les explosions et les inondations, puis aussi dans les accidents résultant de son travail, de son imprudence ou de sa maladresse. La veille du jour fixé pour mon départ, Alexis rentra avec la main droite fortement contusionnée par un gros bloc de charbon sous lequel il avait eu la maladresse de la laisser prendre. Un doigt était à moitié écrasé, la main entière était meurtrie. Le médecin de la compagnie vint le visiter et le panser. Son état n'était pas grave, la main guérirait, le doigt aussi, mais il fallait du repos. L'oncle Gaspard avait pour caractère de prendre la vie comme elle venait, sans chagrin comme sans colère. Il n'y avait qu'une chose qui pouvait le faire se départir de sa bonhomie ordinaire, un empêchement à son travail. Quand il entendit dire qu'Alexis était condamné au repos pour plusieurs jours, il poussa Léo au cri. Qui roulerait sa benne pendant ses jours de repos? Il n'avait personne pour remplacer Alexis. S'il s'agissait de le remplacer tout à fait, il trouverait bien quelqu'un, mais pendant quelques jours seulement, cela était en ce moment impossible. On manquait d'hommes, ou tout au moins d'enfants. Il se mit cependant en course pour chercher un rouleur, mais il rentra sans en avoir trouvé un. Alors il recommença ses plaintes. Il était véritablement désolé, car il se voyait lui aussi condamné au repos, et sa bourse ne lui permettait pas sans doute de se reposer. Voyant cela et comprenant les raisons de sa désolation, d'autre part, sentant que c'était presque un devoir, en pareille circonstance, de payer à ma manière l'hospitalité qui nous avait été donnée, je lui demandai si le métier de rouleur était difficile. Rien n'est plus facile, il n'y a qu'à pousser un wagon qui roule sur des rails. Il est lourd, ce wagon? Pas trop lourd, puisqu'Alexis le poussait bien. C'est juste. Alors si Alexis le poussait bien, je pourrais le pousser aussi. Toi, garçon? Et il se mit à rire aux éclats. Mais bientôt reprenant son sérieux, bien sûr que tu le pourrais si tu le voulais. Je le veux, puisque cela peut vous servir. Tu es un bon garçon, et c'est dit. Demain tu descendras avec moi dans la mine. C'est vrai que tu me rendras service, mais cela te sera peut-être utile à toi-même. Si tu prenais goût au métier, cela vaudrait mieux que de courir les grands chemins. Il n'y a pas de loup à craindre dans la mine. Que ferait Mathia pendant que je serais dans la mine? Je ne pouvais pas le laisser à la charge de l'oncle Gaspard. Je lui demandai s'il ne voulait pas s'en aller tout seul avec Capi, donner des représentations dans les environs. Et il accepta tout de suite. « Je serais très content de te gagner tout seul de l'argent pour la vache, » dit-il en riant. Depuis 3 mois, depuis que nous étions ensemble et qu'il vivait en plein air, Mathia ne ressemblait plus au pauvre enfant chétif et chagrin que j'avais retrouvé appuyé contre l'église Saint-Médard, mourant de faim, et encore moins à l'avorton que j'avais vu pour la première fois dans le grenier de Garofoli, soignant le pot-au-feu et prenant de temps en temps sa tête endolorie dans ses deux mains. Il n'avait plus mal à la tête, Mathia. Il n'était plus chagrin. Il n'était même plus chétif. C'était le grenier de la rue de l'Oursine qui l'avait rendu triste. Le soleil et le plein air, en lui donnant la santé, lui avait donné la gaieté. Pendant notre voyage, il avait été la bonne humeur et le rire, prenant tout par le bon côté, s'amusant de tout, heureux d'un rien, tournant au bon ce qui était mauvais. Que serais-je devenu sans lui? Combien de fois la fatigue et la mélancolie ne m'eussent-elles pas accablé? Cette différence entre nous deux tenait sans doute à notre caractère et à notre nature, mais aussi à notre origine, à notre race. Il était italien, et il avait une insouciance, une amabilité, une facilité pour se plier aux difficultés sans se fâcher ou se révolter, que n'ont pas les gens de mon pays, plus disposés à la résistance et à la lutte. « Quel est donc ton pays ? » me direz-vous. « Tu as donc un pays ? »